vivent 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète. CKRL 89.1 Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Plein de bonnes choses ce soir et en tout premier lieu, on va écouter un extrait du tout nouvel album de Cicada, formation grecque, une des rares formations grecques d'ailleurs, je suis en train de penser à ça, là. Les noms qui me viennent en tête, il y a Verbal Delirium, et anciennement, bon, il y avait la Tulipe Noire aussi, mais la Grèce, on peut pas dire que c'est un oasis de musique progressive. Et donc, Cicada, de leur troisième album, Harvest, le groupe a proposé un album, A Child in the Mirror, en 2010, The Finest Two Miracles en 2015, et voilà, Harvest en 2021, et il est aussi bon que les deux autres. Ce sera suivi de, là je vais le dire un peu comme on le dit nous, le Jorcho, mais en fait, en norvégien, il semble qu'on devrait dire Jorsche. Donc, c'est pas tout à fait pareil pour nous. Cinquième album de cette merveilleuse formation norvégienne, dans la bonne tradition scandinave. Et on va conclure ce bloc avec Huxley Wood Approve, un projet germano-canadien avec Rainer Schneider et Joe Boliero. C'est leur deuxième album, Grave New World Part 2. La première partie de Grave New World Part 1 est parue en 2016. Et Huxley Wood Approve, je présume que c'est une référence à l'écrivain Aldous Huxley, qui a écrit une cinquantaine de livres très facilement, dont The Doors of Perception, un titre qui a inspiré, le livre qui a inspiré aussi Jim Morrison pour le nom du groupe The Doors. Et on y va, nous, avec, sans plus tarder, parce que j'ai vraiment hâte de vous le présenter, Cicada, de l'album Harvest.

Thank you.

just dreams. She whispered to me. great luck. Never wanted to work really hard. Money was just easy colors on roulette or in blackjack. People said you'll end in prison. I was giggling and played on and on. Sometimes the fate was not so friendly, but I played till the dawn, till I won. Shut the door, cry alone. I know that no one

breathing, suffocating ash and wind, blacken this page of history. Breathe out, meditate and mourn without the tale of failed humanity. Across the stars we fled, from every world we bled, a trail of fire and extinction in our wake. We never paid the cost for every species lost, just kept on running and outrunning every race. I speak for the countless that are gone, though no one will hear or speak for me. I can't go on knowing each breath is squandered in futility. Set my soul free. Yeah.

doctor's deed. My mother says, and kiss me. Thus I say, to the little boy. From white, cloud free, and round the tent of God, like a lamb with joy.

aperta che crea, immagina, improvvisa. Eh bien, c'est presque fini. Je vous laisse avec, on continue dans la vague italienne, avec le tout premier album du groupe Ezra Winston. L'album a pour titre The Myth of the Chrysavides et c'est paru en 1988. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de CKRL, l'autoroute dans quelques instants. Et puis, ben, moi, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Envie de voyager et besoin de nouveautés musicales? Viens découvrir des artistes de partout dans le monde dans la seule émission animée en espagnol et en français. Cité Latina présente le mélange des deux mondes dans une seule émission. Momentos chistosos, experiencias únicas y anécdotas de las carreras de tus artistas favoritos en un solo lugar. Plus de détails sur Facebook et Instagram de Cité Latina. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire,